Après mes nuits cendrillon, sur le balcon sans grillune, son mec se fait griller, à tournée de février. Y'a rien à fêter mais j'en remets, on est mécra, on est rodave. Appelle-moi héros par Romax, j'ai mis ma bouche dans le remède. J'vois la vie en cabriolet, on boit, on se regarde rigoler. Maman est souvent en colère, chez toi ménage fait cambriolaire. J'suis ganté dans la maison hantée, en une semaine on fume un cube. Bébé passe me voir, j'te prends un hub, m'envoie pas de texto quand t'es rentré. Alors j'ai dû charger l'arme, la vie me prend, donc je vais prendre. Elle veut soulier Margiela, pour ça elle pourrait me chier là. Une mauvaise question, une mauvaise réponse. C'est l'histoire d'un mec avec les yeux bleus plus gros que le ventre. Mon poteau, je vais jamais le vendre. Non, on a marché contre le vent. Les cafés ne peuvent plus venir. En boîte nous refuse de l'entrée. Il m'empêche d'être ce que je veux devenir. T'as pété à ses soupures, ménager son soupir. On me dit ça va, je réponds avec un soupir. T'as trouvé une meuf, dis-nous des infos. C'est une mal baisée ou une info. Chaque jour on voit la vie à l'envers. En bas le paradis, en haut l'enfer. Une bouteille nous libère, je suis rapta sur le zip. Elle réclame de la zip. Le temps fait qu'on s'y perd. J'ai des amis, des problèmes. Déjà vont à propos de Paulette. Alors j'ai dû charger l'arme. La vie me prend, donc je vais prendre. Elle veut soulier Margiela, pour ça elle pourrait me chier là. Une mauvaise question, une mauvaise réponse. C'est l'histoire d'un mec avec les yeux bleus plus gros que le ventre. Mon poteau, je vais jamais le vendre. Non, on a marché contre le vent. Les cafés ne peuvent plus venir. En boîte nous refuse de l'entrée. Il m'empêche d'être ce que je veux devenir.